Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la radio KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 100, oh mon Dieu, 106.7, j'ai complètement oublié, à Saint-Paul, la radio sans frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. And we would love to hear from you. Bonsoir, Carol. Bonsoir, Dana. Il fait une journée magnifique, un temps magnifique. Mm-hmm. Formidable maintenant. Enfin, après tout ce pluie, je n'étais pas en ville aujourd'hui. Est-ce qu'il a beaucoup plu ici? Un peu, mais j'étais au travail. Rien vu alors. Si vous êtes dehors, il vaut mieux en profiter, right? Exactement. The best thing would be to have as much fun as you can with this beautiful weather. Exactement. So, oui. What do we have on our list to start? On va commencer avec Arthur H. avec Feist. Alors, qui c'est Arthur H.? C'est le fils du célèbre Jacques Higelin qui chante ici avec Leslie Feist, auteur, compositrice et interprète canadienne. Elle va vous chanter la chanson de Satie. Peut-être une petite explication. Satie était un compositeur. Eric Satie, le plus célèbre pour Gymnopédie, qui est tellement belle. Et ça va être suivi par l'ex-madame présidente Carla Bruni. Je suis une enfant. Thank you. Je veux sentir une dernière fois ton corps contre moi. Je pars en voyage. Tu pars très longtemps. Je vais t'oublier un peu, c'est sûr. C'est certain. Je voulais te dire que je t'aime encore. Malgré me trompe à main une enfant et je Well, you heard three numbers there. First of all, Arthur Ashe with Feist, who is really, her name is Leslie Feist from Canada, sang The Song of Satie. And so we added a little extra one, something by Eric Satie, very lovely, J'aime nos pays numéro un. I remember wandering around last couple of years ago in Montmartre, and there was a sign there, and Eric Satie had lived there. Hmm. There is a museum for him in Honfleur, which was his native city. Ah, j'adore cette ville. Oh, Honfleur. C'est formidable, c'est très joli. C'est génial. Très génial, oui. Donc, on a écouté Gino Pelli, et ensuite, Carla Bruni a chanté « Je suis une enfant ». Alors, on a quelque chose de spécial maintenant? Quelque chose. Noir désir. Mais avant, nous allons écouter un entretien. C'est le 30 mai 1943, naissance du chant des partisans. On y va. Oh. Français parle tout français. Entend pour la première fois cet air. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Maurice Druon, Joseph Kessel et Germaine Sablon se sont réunis un dimanche pour travailler sur cet air. Je dois dire que ce dimanche, il s'est trouvé que c'était la Sainte-Jeanne d'Arc, le 30 mai 1943. Ce jour-là, il faisait beau temps, nous étions aux environs de Londres, et à Ashdown Park Hotel, et Joseph Kessel était décidé à m'écrire les paroles de cette chanson que je lui demandais. Alors, nous avons été sur la pelouse. Il y avait Maurice Druon, Joseph Kessel et moi. J'avais sur mes genoux mon cahier, parce que je travaillais l'anglais toujours. Alors, sur mon cahier, j'ai écrit les couplets à mesure qu'il me disait. Et puis, ça s'est passé entre 3 heures de l'après-midi et 5 heures à peu près. À 5 heures, la chanson était faite. Et nous qui brisons les barreaux des prisons pour nous faire la haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Nous sommes rentrés dans le petit salon de l'hôtel et là, on a joué d'un doigt au piano et nous avons chanté le chant des partisans. Et puis, j'ai sauté sur le téléphone, j'ai appelé Alberto Cavalcanti et je lui ai dit, ça y est, la chanson est faite, demain, rendez-vous à votre studio. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous découvre. Comme pour le plaisir, l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud, au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures. Et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Well, we heard some very touching things there, and we're just past our Memorial Day, when we give thanks for our military, and we also cry over those we've lost and all of the military that have gone before us. The French also have these feelings. The first was first that you heard was a brief interview with Anna Marley, and it was how the Song of the Partisans was written. Germaine Sablon was the person who Germaine was Sablon. Being interviewed, and then oh. The music was Anna Marley, I believe. Oh, a singer, okay. Mm-hmm. Okay, and that was quite interesting. It was very brief, the time that took. Within 2 hours, she said, they just poured out. And the partisans, of course, were the Free French, those who struggled against the Nazi rule. Then next we heard Noir Désir, a group which is we aren't too sure if they're still singing together or not, but right. Have you heard, Dana? I don't know. They we were can a long look time. Into that. We were talking about the lead singer had murdered Jean-Louis Trintignant's daughter. Yes, in a crazy drug rage. They were yes. in Turkey or something. They were doing a film, or she was doing a film, mm-hmm. and the young woman was murdered, and of course, the leader of the Noir Désir was put in jail. I don't know if he's still there, but I would imagine he would be. Yeah, that was maybe that was like 15 years ago or 10 years ago. I don't know. It goes by so quickly, doesn't it? It does. But the song itself is called Des Armes, Arms. And this was a cry against arms and their killing power. Mm. And about, no doubt, those who are making a great deal of money on it. I love the sound, the raw sound. Yes, they are. Really on the cutting edge of music in France. But I don't even know if they're still together. I'll look into it. But in the meantime, let's have an announcement and we'll get right back to some music. FAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. We will now hear Jérémy, ah ben, je dois dire en français, Jérémy Kiesling, un cœur en papier. C'est plutôt pour la fête de Saint-Valentin, mais je crois que cette chanson va à n'importe quel jour. Ensuite, Bernard Lavillier va vous chanter « Sans fleurs ni couronne ». Et après cela, Alex Renard, avec Zaz, que vous avez entendu un solo, vont chanter « À pas de velours ». C'est un jeu de mots, « pâte » de velours, qui veut dire silencieusement, patte de velours, touché comme un chat, n'est-ce pas? Et c'est basé sur une fable de La Fontaine, le renard et le corbeau, maître corbeau. Allons-y. Depuis toujours, tout me compresse. Les poings ne font point de caresse. La vie m'a donné un cœur en papier qui brûle à l'orage levé. Nous étions le lierre et la liesse. Et puis les pierres ont rempli la pièce. La poutre a volé, la foudre a frappé, et le coup d'Aphrodite a plié. Le temps que mes yeux se redressent, le temps que ton ombre s'affaisse, le temps que le temps m'éclate en dedans, plus rien n'est déjà comme avant. J'écris de mes mains de poussière. La nuit, je commence à m'y faire. Un jour, on devrait reprendre à nos pieds les amours qu'on a laissés tomber. Thank you. donné un cœur en papier qui brûle à l'orage levé. Se pose, comment cacher les roses, jeter les chrysanthèmes. Les cardinaux, les apôtres ne seront pas des nôtres pour aborder ce thème. Les yeux clos, le ton sévère, les mains froides sur le drap. Dehors la neige exagère, y a des jours tout m'exaspère. Tu as passé la frontière, la première, on reste là, les bras lourds comme des pierres, à sous-peser le mystère. Chapelle au clair de lune, entourée de bitume et de supermarchés. Les jours anciens n'ont plus cours, la neige tourne autour et la nuit va tomber. Rendez-lui tous ses livres, ses matins de soleil. Rimbaud le bateau, oui, l'acier bleu des prunelles. On est au bout du monde, un souffle suspendu. Une humeur vagabonde, ma mère qui n'est plus. Pas de tragique ordinaire, pas même un cimetière, juste de la fumée. Tu dois te sentir légère, tournant au vent d'hiver. À jamais libéré, j'écris la chanson promise, pas la valse des regrets, comme le cœur sous la chemise, avant que ma voix se brise. Voilà, sans fleurs ni couronne, un refrain que l'on fredonne quand on connaît pas la donne. Peut-être tu l'entendras. Tu dois te sentir légère, tournant au vent d'hiver, à jamais libérée. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, d'un regard alléché, lui tient à peu près ce langage. Comment je dois faire? Quelles sont mes options? Ici mes attentes sont bercées d'illusions. Je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon. Le corbeau lui répond, prenez une décision. Allez mon garçon, arrêtez de jouer au con. Il ne faut pas pleurer, ni jouer les grognons. Vous êtes rongé par la passion. Ok, facile à dire, mais j'ai des envies pressantes. Je vais croquer la pomme quand l'occasion se présente. Vous avez des ailes, donc une longueur d'avance. Je veux faire pencher la balance. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais comprendrais-tu? Madame le corbeau, j'ai bien médité, j'ai tourné en rond et j'ai bien cogité, mais je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon. Écoutez, vous êtes grand et vous n'êtes pas un sot, c'est vous le renard, moi je suis le corbeau. Ce que j'ai trouvé comme seule solution, c'est de mettre votre histoire en chanson. Ok, facile à dire, mais là ça se complique. Je veux le droit d'asile, un asile poétique. L'équilibre est fragile et mon cœur panique. Il voit mon art comme dramatique. Venez donc vous asseoir près de la fontaine, comptez-nous vos déboires loin de votre domaine. Renard part en vadrouille, son terrier est trop grand pour lui tout seul évidemment. Et passe les singes, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? À défaut de morale, de la patience, faut trouver une morale au sens de l'existence. Ça y est, j'ai trouvé un petit dicton. Les poules sont vaches de toute façon. Cette fois c'en est trop, monsieur le renard. Vous avez trop bu, mangez trop de caviar. Là vous êtes corrompu par le désespoir. Arrêtez-vous de devenir jobard. Vos déboires sont un don, j'ai peut-être une option. Mettez votre histoire en chanson. Mettons cette histoire en chanson. Mettons cette histoire en chanson. C'est toujours un succès. We heard Jérémy Kiesling, Un cœur en papier. Well, that's obvious. That's very fragile. Paper heart. Exactly, paper heart. Then Bernard Lavillier, Sans fleurs ni couronne. That was a little bit sad. I mean, it sings about the without flowers or a crown, right? The passing of his mother and the enterrement, the burial, and without flowers and couronnes are the wreaths. Mm-hmm. So, and he somewhat acid remarks about bishops and soutane and things like that and the this. So, but anyway, that's somewhat. And then, of course, Alex Renard. By Sass, with Sass, A Pas de Velours. And this, of course, first of all, it's a play on words. A Pas de Velours, the way it's written, it means bait, velours as bait, but also a pas, it can also mean you walk on velours shoes or stockings. Like secret agents quietly going through. But this was not about secret agents. This was about le renard, Maître Renard et le corbeau. Uh-huh. The very, very famous French poet about the fox and the raven, mm-hmm. In which they. The fox tries to have the raven sing or because he has a piece of cheese in his beak, so he wants to kind of lose this. But then of course from this little introduction, it goes a long way to talk about all kind of political, semi-political, and other types of subjects. À une fois, j'ai dû apprendre ça par cœur. Ah, oui. Alors, je peux me rappeler un peu près de la moitié. Oh, vas-y. Mettre honneur sur un arbre perché, lui tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ah, monsieur Cobot, que vous êtes beau, que vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Si votre homme ramage rapporte à votre plumage, vous êtes le plus beau des phénix de ce bois. Ah, j'ai répété, pardon. Alors, avec cela, le corbeau tient une large, la bec, et, ben, après j'ai oublié, mais enfin, le renard l'attrape. Hmm. Et ce qui est drôle, c'est le chanteur s'appelle Renard, Alex avec Renard. Un T, Alex Renard. Let's have a little announcement. We'll be right back to the music. Did you know KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper donation? It's true. And what you may not know is it's easy. Log on to KFAI.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. It doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Donate a vehicle at KFAI.org. Alors maintenant, on commence une série de musique qui vient de RFI, Radio France Internationale. Et c'est un groupe de chansons basées sur la solitude. Et on va commencer avec le chanteur Damien Robitaille qui va vous chanter « Homme autonome ». Encore des jeux de mots. Ça va être suivi par Junior, qui chante Le Cavalier Solitaire. Junior, c'est une chanteuse parisienne qui s'appelle en réalité Anna Jean, dite Junior. Ensuite, Camille Bazbaz chante Infinie Solitude. C'est de son troisième album, Sur le bout de la langue. changé, tout comme mon téléphone. Mon doigt est brisé, jamais il ne sonne. Je fais tout, tout seul. Ce qu'on a vécu, on l'a perdu dans notre infinie solitude. Ce qu'on était, on ne sait même plus. Tout ce qu'on voulait, chérie, t'en souviens-tu? Ce qu'on croyait, on n'y croit plus. Dans notre infinie solitude, mais on sait tous qu'on n'y peut rien. Et vivre toujours ou mourir demain, moi ça me fait rien. Loin des yeux, loin de mon cœur, mais moins je te vois, plus je pense à toi. Oh, si j'avais su, je serais resté dans mon infinie solitude, mais on sait tout. And the rest of the Amper's stations providing diverse radio for Minnesota communities by joining us for the Great River Energy Mesabi Trail Tour on Saturday, August 6th. The tour is a day-long biking event for families and serious trail riders alike. Four starting points allow riders to customize their routes from 12 to 67 miles. The event culminates with a picnic and concert in Grand Rapids. The ride supports the Mesabi Trail, programming on KFAI and on the rest of the Amper's stations. More information available at MesabiTrail.com. So we heard Damien Robitaille in Homme Autonome, the autonomous man. Daniel Robitaille is originally from Quebec, from Ontario, but speaking French. And he has been he's come out with some very nice albums, very rhythmic and very engaging. And the second one, Le Cavalier Solitaire, the Lone Rider, or maybe it was the Lone Ranger or whatever, by Junior. It's a singer, Anna Jean. And so she sings about, again, this lone, the person that by itself handles things. And finally, the two rhythms and the melodies were quite, well, I mean, were quite, not similar, but they were of the same, what should I say, background. I mean, they were quite similar. But then Camille Bas-Bas in Infinie Solitude, unending solitude, sings very, very, in a very different style. And he takes his down the reggae path somewhat and sings about, well, the solitude in its infinite manifestation. I like that a lot. It took me back to some sort of era that I wasn't a part of. I feel like I need to listen to more of Camille Bas-Bas. And just a shout out, I have my niece from Normandy, Camille, who checked in somewhere on Facebook called, at a place called Loin de Tout. So I clicked on it and it brought me to some place on the planet 2 hours north of Rio de Janeiro that you have to take some strange road to get to. And that was kind of exciting. Loin de Tout. If anybody has ever been there and knows anything about Loin de Tout, call the studio line 3410980. 612-341-0980. Or if you have anything else to comment on, use the same number. Sky's the limit. Tell us anything. We'd love to hear from you. What are we listening to? Don't be next? Shy. Don't be solitude. Don't try to. No, this is against. On annonce déjà? No. What songs do we have next for on the list here? D'accord. Alors, c'est la belle Françoise Hardy. Mm-hmm. Elle était très, très belle dans sa jeunesse. Et elle chante ici quelque chose qui date, je crois, que de 78. J'écoute de la musique sous. Alors, bizarre, hein? Et elle était une grande vedette pendant les années 60, mais après cela, elle a tout petit peu baissé sa carrière. Et avec cette chanson, elle est remontée et elle a vendu tant de chansons et des albums. Et de temps en temps, elle en fait encore aujourd'hui. Elle fait des collaborations avec des autres chanteurs maintenant aussi. Ensuite, Benjamin Biolay, c'est lui qui a commencé par d'être célèbre en 2000. Il va vous chanter si tu suis mon regard. J'aime bien Benjamin Biolay. Il écrit et il chante. Alors, on y va. laissé toute seule. J'écoute de la musique sous la roue les patelles. Dans un nightclub où déboule le funk est d'enfer. Toute seule, arrêtez-vous de danser. Toute seule, j'ai perdu mon fiancé. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Toute seule, il m'a laissé toute seule. Du bonbon mental, j'écoute de la musique sous la roulée par terre. Dans un mètre où des boules, funky, funky, funky, funky, funky, funky. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à la radio KFAI 90.3 Minneapolis FM et à Saint-Paul 103. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai oublié? 106.7. 106.7 Minneapolis, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul. Radio without boundaries. And the program, of course, is Bonjour Minnesota. For questions or comments, please call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. And what do we just hear? That was ça c'était Françoise Hardy. I'm listening to drunken music. Yeah, j'écoute de la musique Saoul. So it was on the time of that Carly Simon was having her big music, pop music rage in the 1978 that song came out by Françoise Hardy. And did she sing with Serge Gainsbourg or? Who's that? Oh, Françoise Hardy. I don't think so. No, I'm thinking of Jane Birkin. No. And Brigitte Bardot, you mm-hmm. sang with. So let's go ahead and listen to the Benjamin Biolay, Si tu Biolay. Si tu suis mon regard. Et puis après, Karen Anne avec Sol. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui deviens vert bouteille et comment c'est chez moi. Trop longtemps, 100 fois trop longtemps que je suis tout seul. Que j'attends, quel que soit le temps qui m'est fatal. Je regarde le grand mur blanc qui se décale. L'amour est un éphémère, glacé vert, qui casse des kilomètres triangulaires. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard, tard, au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commencer chez moi. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines, des taxis, des gares, gares, gares, la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout plus bas, tu liras tout vers l'air, tu montreras chez moi. Chez moi. Thank you. So we heard three songs. The first one in this set was Françoise Hardy in J'écoute de la musique seule. And I'm listening to music. Well, the way it's written could be music. The music is kind of drunk, or she is alone, or she is listening while being slightly tipsy to music. And she has apparently some reason for this, because her boyfriend left her alone. Didn't say he left her for good, but he left her alone, and so she is kind of taking it, well, revenge for that, by listening to this music, drunken music. Then Benjamin Biolay, Si tu suis mon regard, if you follow if you follow my eyes, my look, glance. So obviously, this is one of the first songs that he and Karen Ann, whom we are going to hear next, have heard after this, were actually composing, and obviously, I mean, he simply sings, try to see where I look, how I look at you, how I follow my scrutinizing you, and so this he is very much interested in the person, of course. But he and Karen Ann have written songs. One of them was with Jardin d'Hiver with Henri Salvador, and then the last one, of course, is Karen Ann in the same vein, and she also composed this partly with Benjamin Biolay. The song is called Seul, Alone or Lonely Can Be, and she sings how she is all alone, how she has to chase taxis alone, how she has to run around all by herself, and she doesn't want to be seul, she doesn't want to be alone, and seul can also be translated as she doesn't want to be lonely. So this is a very interesting collaboration between Karen Ann and Benjamin Biolay. Shall we have some announcements from the Alliance Française? Oui, certainement. Well, here we are with what's going on in the city from the Alliance Française and elsewhere. Are you a dancer? I know you are, Dana. There are classes of yoga in French at the Alliance Française starting June 4th from 4:30 to 6:30 p.m. At the Alliance, Saturdays, that is. There is a charge. It's following a Vinyasa yoga class en français. First of all, from 4:30 to 5, enjoy tea and conversation at the Yoga Center in our North Loop neighborhood. So it is at the Yoga Center, not at the Alliance itself. Class begins at 5. Those interested in socializing afterwards are invited to the Tangiers. Mm. I don't know that place. Oh, it's very nice. Is it? Mm-hmm. Is it near the Alliance? Right, maybe a block away or around the corner. Oh. Right. Several announcements looking for host families, for adult interns, and for students. I will leave that to our listening audience to check them out at the Alliance Française at AFMSP.org. There you go. Mm-hmm. Oh, they're having a sale, the Marché of Peace, at the Alliance on Saturday, June 18th. They're hosting a Marché aux Puces in the large room during their petit déjeuner. T'as déjà acheté des choses aux puces? What is the best thing you ever got at the Marché aux Puces? The flea market in Paris? Oh, yes. Which one? The biggest. Well, there's so many of them. There's Brocanter on the weekends in many different areas. And where's the biggest one? The biggest one is at the Porte de Clignancourt. Clignancourt? Clignancourt. Right. I never went to Vin Vin. I always wanted to go there. They have really old furniture that's supposed to be. So does Klinakua, but you have to look for it because it's right. The newer things are nearby and you have to walk back. And vintage couture clothing at Van Van. Yes. The best thing that I got, unfortunately, wasn't in Paris, but it was at the Prusse of Livre. I have this little petite mouche cendrier, a little fly, Italian fly ashtray. And I remember j'ai acheté pour 10 francs. C'est incroyable. I still have it on my patio. People think it's the strangest ashtray ever. I was like, I must have this. I have to have this. Isn't that something? Oh, and then this ring. Actually, I'm wearing how beautiful. Wearing a silver ring that came from Marché Clignancourt, actually. It's a solid. Looks like solid silver, and it has some kind of engraving on it. That's actually very good, it's not engraved. That's just how beat up it is for 20 years of wearing it. Fooled me. I thought it was some nice, pretty engraving on it. Right when you get off the metro station right there, I can't think of Clignancourt. Maybe that's what it is, or is it? Porte de Clignancourt, right there. Uh-huh. At the Sortie, I bought this for 100 francs, 100 francs at the time. Oh, my. 1993. Yeah. Mm. I missed a sale, and I regret it now. I still think about the thing that I passed up, that a salesperson came out and wanted to sell me an album of vintage old postcards of Paris in the 19th century. And I said, no, and now I think about it all the time. I wish I had bought it at the time. So maybe you best buy things on impulse right away. I remember there was a man who, he was selling a little coffret en bois, and it was for boire des eaux de vie et des digestifs, mais chic. C'était plus que 200 ans. Il voulait le vendre à 10 000 francs. So what is 10,000 francs at the time? Well, this is that's old francs. Not well, old francs. The old ones or new ones? The new francs before the euro. Oh, new, so new francs. Maybe $2,000, $2,500. Yeah. And I was so interested, and the guy said, "You don't, madame, vous n'avez pas assez d'argent pour l'acheter." And I said, "Yes, I do. Excusez-moi, monsieur." Like, ooh, j'étais vraiment assez. I wanted that little box. No. A clochard came up to me once in the street and offered me to buy a little, what do you call those, hedgehogs, a live hedgehog. Oh, really? Oh, they were so cute. How much? Combien? I couldn't buy it. How? No one would let me on an airplane with a hedgehog. I could smuggle it. I'm going to say smuggle that hedgehog. I'm terrible. I smuggled cheese. Well, the poor little thing. He was smaller. I don't know if our listener has seen one, but they're about the size of maybe a small or a larger little mouse or something. Little hard-boiled egg size. They're very tiny. I could smuggle that. Pauvre petit chose. With these quill-like things, although I don't think they're particularly sharp. Mm. Well, they can be. I mean, but it's not as sharp as porcupine quills. No. And they're common in Europe all over. Yes. In the gardens and so on. So what is the date of the Marché aux Puces? Marché aux Puces is Saturday, June 18th. Oh. And also, if you have donations of items to be included in the sale, gently used furniture, posters, art, or home goods, contact Sylvia to arrange drop-off at the Alliance Française. Mm. I did find some really nice creamer and sugar with it was from France at the Alliance Marché aux Puces once. Mm, I love that. I love ancienne porcelaine. Yes. The Navigateur de la Littérature is meeting Advanced and Intermediate Book Club on Wednesday, June 8th from 6 to 8 p.m. at the Alliance. The June selection is Cala Bénisse la France by Abd al-Malik. They'll discuss that with about the writer and his autobiography. Okay, and then let's see, a movie coming up. Oh, no, that's past. Sorry about that. Summer classes are open for registration. You can take an intensive beginner or an intermediate French, a 5 weeks intensive, and 5 week semi-intensive, however you're feeling about it. But that is an excellent way to learn, but difficult. It's a real challenge because you're completely surrounded. If you have some French in your background, I think it's good, but mm-hmm. you learn an awful lot in a hurry. Immersion's the best. Mm-hmm. It's a great crash course for a crash trip. Crash course, yes. Mm-hmm. Other classes, 3 and 5 week courses, if you don't have the time for the 10 week, Stromae and Beyond on Saturdays, June 25th through July 23rd from 12:30 to 2:30 in the afternoon to explore the music by Stromae, the new pop singer, who's really a huge hit in Europe and all over. French for Travelers, Tuesdays, June 21st from 6 to 8. On Saturdays, June 25th through July 23rd. Moi avec Colette, the French writer Colette would be great. That's going to be given Mondays, August 1st through the 22nd from 6 to 8 p.m. And by the way, you can see all of these classes by going online. Also, there are great one-day workshops. Patisserie 101, Patisserie 101, Éclair et Ami. Saturday, June 16th from 1 to 4. And you get to eat them, too. Yum, yum. What is your favorite pastry, Olaf? I bet it's something with amande. Or do you like them all? Well, yes. With the amande or the comment ça s'appelle, là, cette, la pâte? Pâte d'amande? Pour les gâteaux de roi. Mmh. Oh. C'est avec les amandes. C'est une pâte allemande. Feuilletée. D'amande. Pâte d'amande. Oui. Mmh. Marzipane? Marzipane, quelque chose comme ça, oui. Mmh. Well, I'm sure then you can, after the Claire class, you can go on from that. Then there is another class called Bienvenue en Suisse Romande, Saturdays, July 9th, 1 to 4, and Les Temps du Passé, the different past tenses, Saturday, August 13th, from 1 to 4. And also La Gastronomie et la Culture Française with Deborah, Thursdays for 3 weeks, 10 in the morning until noon. Ça doit être intéressant. Mm-hmm. Gastronomie. And here's the kids' things. Your child will be with French-speaking teachers. I know Marie-Jeanne is there, who is a wonderful teacher and is great with kids. She's going to be teaching June 20th to 24th, 9 to noon. Kindergarten 1 for all levels. Oh, K1 they call it, for all levels with Marie-Jeanne. And June 27th from July 1st, 9 to 11, pre-K for all levels with Damien. Would you like to play a little music in between here? Yeah, let's have an announcement and we'll play a couple of songs. We'll come back to these, there's just a few. Okay, sounds good. Supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Alors, on va écouter quelques chansons. D'abord, c'est Alain Bachung, Il voyage en solitaire. Rappelez-vous que notre thème ce soir, c'est la solitude. Qui c'est Alain Bachung? Il est un grand, grand chanteur des années 80. Il a gagné 12

de brume, herbe flétrie, les nuits sans lune, perdre un ami. Quatre ou cinq fois, je soupire. Ça pourrait bien être pire. Moi, solitaire, en terre d'automne, mieux vaut se taire, étoile amère. Les yeux, les sourcils des filles, plus beau qu'étoile et que lune, un vieillard s'enivre au bord de la rive, sur le fleuve, un livre flotte à la dérive. Je soupire. Ça pourrait être pire. Seul sous la lune. Seul sous la lune. Seul sous la lune. KFAI is supported by the St. Paul Saints, celebrating their second season at CHS Field in Lowertown, St. Paul. Tickets and information available online at saintsbaseball.com. Well, Alain Bachon in Il Voyage en Solitaire, meaning he travels alone, he is a lone traveler, and he sings about, well, passing through various landscapes and so on, and is, of course, fascinated by the idea of solitude. And all of these songs actually hang together somewhat, because this song, Il Voyage en Solitaire, he travels alone, also first was presented by Gérard Mancette, who you will heard as the next one, who sang Solitude des Latitudes, meaning the loneliness in the at the various latitudes of Earth. And he sings about how he dreams and how the dreams come and deal with him being alone, traveling all by himself. And then the last one is Cléa Vincent in Seul sous la Lune, and she actually sings this together with Baptiste Hamon, who is the male voice and who kind of leads in the stories. I mean, loneliness under the moon, he doesn't see the night is foggy, he doesn't see the stars, he doesn't see the moon, and then she comes in with her group and sings much more positively and harmoniously. And so this is a dialogue that goes back and forth about singing alone under the moon. That was lovely. I loved it. These were very nice melodies, mm-hmm. Right? Do we have some more announcements? Oui, il y a quelques annonces plus. A few more announcements. Remember that Friday, June 17th at 9 p.m., the Parisian seven-piece electronic big band Caravan Palace is set up to tour the U.S. It will be here. At the Skyway. The Skyway, yes. Mm. That's in the theater downtown in The theater is more like a nightclub now. The old Skyway Theater was transformed into a nightclub. Oh, okay. A while back. A couple of announcements for you dancers out there. You can take classes in West African dance. That would be a lot of fun. Mm-hmm. They're starting out at May 28th at Patrick's Cabaret, but I think you could probably still get in with the Dunia Drum and Dance offering classes Saturday at 2:30 for all levels. And it says contact here, so I would check that with the Alliance. The Afutai 8-week Haitian dance performance workshop on three rhythms. There will be the emphasis. I can't tell you anything about these rhythms. Yan Valu, Zepal, and Petwo. All levels, and they will start. They have started already, but they go on for quite a while. There will be a stage rehearsal in August and a show. Contact Dien. Also, you're a dancer, Dana. I love to dance. J'adore danser. For an interesting experience, the ABCs of Brandy and Cheese Tasting on June 9th from 6 to 7 p.m. Visit the FAMFAS at the Mall of America for a workshop on cheese and brandy pairing. Workshop is free with pre-resignation, limited space. We talked about that. I don't know. I don't eat cheese and have brandy. New to me. I mean, that's... But who knows? Exactly. In the old tradition of food and wine pairings, the digestif brandy would be at the very end. Yes. Right? Right. But cheese is also a dessert that's also at the end. And that's usually served with wine. Right. But they're both at the end of a meal in a traditional French course because the cheese is considered either you choose the dessert or you choose the cheese, the two of them if you'd like. Well, that's course. Just that's indulgence. Yes, then the digestif would be vraiment, vraiment à la fin, right? The brandy is the last thing you have to help you digest. To help you digest everything. So, pourquoi pas? So, intéressant. The French American Heritage Foundation is offering a day trip to Henderson, Minnesota on June 18th. To find out about Dr. Hippolyte Seigneuret, who was a Minnesota territorial pioneer, a settler, a physician, surgeon, and an exiled French revolutionary leader. The trip will be leaving from the Mall of America, quite a reasonable price included in the price, which if you want it to know right now, I can tell you the price. We aren't allowed to mention the prices here. Host families needed for French teachers who are coming here. Call Tom Steger for dates of stay. And that number is 651-646-4476. Here's an interesting new one. St. Paul Ballet will be performing at Como Dockside Pavilion. Nice. Wouldn't that be fun? Oh, beautiful. June 15th and July 20th. Join the St. Paul Ballet with Rain or Shine for two free performances. Oh, it's such a beautiful pavilion. Oh, that would be fun to see. Yeah. And it's free. Also, the last announcement, a giveaway of books in Champs-Élysées magazine series from a member, Eugene Eddy. He will give anyone interested, contact him at 612-824-4150. Et c'est tout, on continue avec la musique. Mm-hmm. Toi, tu as une annonce? On a une annonce et après, de la musique. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. All right. Yeah. Before we get into the last three songs, the show theme. The theme, okay. Solitude, was actually produced and put together by Jean-Charles Hegel at RFE, and basically, I mean, what he says among other things is. Alfred de Vigny says solitude is a source of inspiration. But Baudelaire said the man who is unable to people his solitude is equally unable to be alone in a crowd. And the last song, which we probably won't get to, is by Gilbert Bécaud. Solitude n'existe. On va jouer quelques chansons. Deux chansons et puis on va... Ok, d'accord. Avec Gilbert Bécaud, j'adore. Alors. Oui. Bon, alors, vous voulez écouter Barbara, qui va vous chanter Le temps des lilas. Mm-hmm. Et ensuite, ce sont des classiques. Hein. Mm-hmm. Serge Reggiani, Ma solitude. Et le dernier, qu'est-ce que tu veux? Gilbert Bécaud. Ah, Gilbert Bécaud. Solitude, oh là ça là. N'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. On y va. Foutu le camp, le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, le temps des toujours, toujours. Il m'a planté là sans me laisser l'adresse, oui, de partir, Dieu Berthe. Si tu le vois, ramène-le-moi, dis le joli temps du lilas. On en sourit du coin de l'œil, mais on en rêve du grand amour. Je l'ai connu, j'emporte le deuil, ça ne peut pas durer toujours. La peau douce, je l'ai croqué, le fruit vermeil, à belles dents, à belles bouches. J'en ai profité du temps du lilas, du temps de la rose offerte, du temps des serments d'amour, du temps des toujours, toujours. Avant qu'il me quitte pour me planter là, qu'il me salue, adieu Berthe. J'en ai profité, t'en fais pas pour moi, du joli temps du lilas. Il vous arrive par un dimanche, un lundi, un beau jour comme ça. Alors chaque nuit qui se penche s'allume dans un feu de joie. Et puis un jour c'est la bataille, meurt la rose et le lilas. Fini le temps des épousailles, c'est la guerre du toi et moi. Et la blague qui fout le camp sans nous crier gare. La rose c'est trop ouverte, on veut le rattraper. Mais il est trop tard, le joli temps du lilas. Il vous plante là sans laisser l'adresse, il salue et adieu Berthe. Il vous file entre les doigts le joli temps du lilas.

n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un, il y a toujours une société. Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club Méditerranée, hein. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespérée. La nature a horreur du vide et l'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui sentent pour avoir moins peur. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Well, we just heard Gilbert Bécaud with La Solitude n'existe pas. Yes. So loneliness doesn't exist. It does not exist, yes. So then the whole point of our show, La Solitude, is negated. We just negated the entire reason for our show. But so he sings it very well. So We are talking about romancing the blues, and just when we were listening to music. I wanted to mention that Noir Désir, we were wondering whether or not they put out any songs after the main singer Bertrand Cantat was imprisoned for killing Jean-Marie Trintignant's daughter. And it looks like in the last 5 years, he was allowed, even from prison, to collaborate on a DVD and on a CD in order to help put the band music out. So strange. I haven't heard that. Mm-hmm. And so we want to wish a good evening and bonne semaine à tous nos auditeurs, and we'll leave with some instrumental. What do we have? C'est Claude Bolling et Jean-Pierre Rampal avec Fugace. All right. À la semaine prochaine. Au revoir, Dana et Olaf. Au revoir, Caril. Au revoir, Dana. Au revoir, tout le monde. Thank you.